Chapitre 4. Les yeux du cœur. Voici maintenant, dans l'existence de Karim, l'apparition de cette autre jeune fille, Zahra. Quelle coïncidence, se dit-il, entre les deux noms, tant pour le contenu que pour la forme. Zahia, ma sœur, Zahra, ma voisine. Concernant cette dernière, Karim reçoit des informations par un ami habitant l'immeuble. Outre le père chômeur et alcoolique, Zahra a un frère, Abdelkader. Âgé de 21 ans, lui aussi est chômeur. Plus grave, il se drogue, et pour acheter les doses nécessaires, il en est devenu également un vendeur. Cette activité l'a obligé à traiter avec des personnes perfides, acerbes, venimeuses, haineuses, toutes blessées férocement par l'existence et réagissant de manière cruelle. D'où, chez Abdelkader, un visage montrant la même expression, quelle que soit la situation. Fermé comme le portail d'une prison pour condamner à mort, hostile comme une sentinelle attendant l'attaque imminente, acrimonieux comme un scorpion attendant la victime sur laquelle enfoncer son dard. Jamais Abdelkader ne croise le regard avec les autres. Il est toujours fuyant. C'est la seule personne à la vue de laquelle Karim n'éprouve pas son coutumier besoin de parler. Comment sourire en face d'un loup affamé et féroce? Cependant, Karim n'a jamais senti la moindre hostilité contre celui qu'il considère un naufragé du système social. Qui aurait le droit de battre un chien en sachant que d'autres lui ont inoculé le poison de la rage? Ainsi Karim en est venu à se demander « Comment puis-je aider Zahra et sa famille ?» Il se pose la question plusieurs jours, plusieurs nuits, même au travail, au point d'être, une fois, victime d'un cauchemar. Sur la place au pied de la tour, il rencontre Zahra. Mais elle se trouve enveloppée dans une nuit toute sombre, le corps droit et immobile de statue, le regard rivé sur lui, d'un air en apparence hostile. Zahra, appelle Karim. Zahra, répète-t-il. Elle demeure impassible, continue à le fixer durement. Soudain, elle disparaît dans l'obscurité. Karim en reste désemparé, écrasé d'impuissance. Il veut hurler encore. Zahra, Zahra. Rien ne sort de sa bouche, gosier bloqué. En se réveillant, Karim interprète immédiatement son cauchemar. Peut-être m'en veut-elle de ne pas l'aider à se libérer de sa pénible situation matérielle. Il estime devoir parler avec Zahra d'une aide éventuelle à lui offrir. Comment? Une solution finit par se présenter à lui. Je ferai semblant de chercher un bon hôtel pour mon ami et son épouse, venus d'une autre ville. Pour eux, je demanderai conseil à Zahra à propos de son hôtel. C'est un peu honteux comme procédé, mais il ne fait de mal à personne. Je ne vois pas une autre solution pour parler avec Zahra sans lui créer de problème. Le soir, après le dîner, Karim informe sa mère. « Je dois trouver un hôtel pour un couple d'amis. Je pense que notre voisine Zahra pourrait me donner un bon conseil. Oui, tu as raison. C'est une bonne idée. Je vais voir s'il est à la maison. » La mère sort. Quelques minutes après, elle revient, accompagnée de Zahra. À sa vue, Karim est saisi d'un fort et troublant témoin. Totalement enchanté, il admire, très discrètement, la nouvelle venue, de manière détaillée, pour compléter ce qu'il en a vu lors des précédentes rencontres. Le corps de la jeune fille est mince et élancé, enveloppé dans une jolie robe vert sombre, longue, simple mais jolie, et une ceinture rouge, la couleur impressionne Karim, mettant en relief la taille. La voisine, bien que de modeste famille, a une démarche élégante, la tête bien droite, la longue chevelure, noire et soyeuse, descend jusqu'en bas de la colonne vertébrale. Encore une fois, Karim admire le visage de Zahra. D'un ovale charmant, les deux grands yeux étincelants, surmontés de sourcils en arc et bien taillés. Et, encore, ses lèvres charnues, bien dessinées. Des pétales entr'ouvertes, pense Karim, appelant le baiser de l'amant fortuné. Zahra, debout et tête baissée, sent nettement les yeux de Karim sur son corps. Elle en éprouve une délicieuse onde de chaleur. La mère de Karim invite Zahra à s'asseoir. Les deux femmes se mettent sur un divan, Karim leur fait face sur un autre. S'efforçant de maîtriser son agitation intérieure, il regarde Zahra d'un air apparemment détaché et commence. « Ma mère t'a dit de quoi il s'agit, n'est-ce pas ?»« Oui. » confirme Zahra d'une voix suave. Cette qualité vocale est une merveilleuse symphonie dans les oreilles de Karim. « Peux-tu, demande-t-il, conseiller mes amis l'hôtel où tu travailles ?» Le visage de Zahra s'empourpre d'un coup. « Tiens, elle s'est émue, » note Karim avec plaisir. Cependant, il se trompe sur le motif de cette réaction de Zahra. La rougeur de ses joues fut provoquée par une peur. Que les amis de Karim, et lui par conséquent, découvre la vérité concernant l'hôtel où elle est censée travailler. Zara se ressaisit et répond « L'hôtel où je travaille n'a pas un service toujours performant. Souvent des clients se plaignent, aussi je ne le conseille pas. Connais-tu un autre hôtel convenable ?»« Oui, il vient d'être restructuré. J'ai entendu dire qu'il est très approprié. » Elle ne ment pas. Un soir, la bête, son chef policier, l'avait envoyé en mission dans cet endroit pour recueillir les propos d'un couple d'Algériens. Pour les espionner, elle fut travestie, avec l'accord de la direction, en femme de chambre. « Ah, c'est bien !» dit Karim, satisfait. Silence. Il réfléchit très rapidement. Que lui dire maintenant ? Quelques secondes passent et il intervient. « À propos, tes conditions de travail sont bonnes et ton salaire suffisant ?»« Je n'ai pas trouvé mieux, » répond-elle d'un ton résigné. « Tu aimerais bien trouver mieux, n'est-ce pas ? Oh oui !»« Il s'intéresse à moi ?» Cette pensée la traverse avec un vif plaisir, toutefois mêlée d'une crainte. « Il ne faut absolument pas qu'il découvre mon réel métier. » De retour chez elle, elle met nerveusement son pyjama, rejoint son lit, éteint la lumière. Les yeux grands ouverts dans l'obscurité, elle s'efforce de comprendre la nouvelle situation. « Qu'est-ce que cela signifie ? Je n'ai jamais vu quelqu'un aider un autre à trouver un meilleur travail, et cela sans contrepartie. Quelle est celle de mon voisin ? Obtenir de moi son plaisir ? Bien qu'il fasse très attention à sa manière de me regarder, je connais assez les hommes. Je crois bien que je lui plais. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est que oui, je dois l'admettre, il m'a enflammé le cœur. » Au même moment, Karim, lui aussi dans son lit et la lumière éteinte, tente de comprendre. « C'est avec les yeux de mon cœur que je la regarde. Décidément, elle me plaît. Beaucoup. Comment le lui dire ? Et surtout, quelle sera sa réaction ?